Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Antoine Dulster, Hassan M. Béchour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit des ruines. Une nuit que l'on commence en votre compagnie, Alain Schnapp. Bonsoir. Bonsoir, Antoine Dulster. Vous êtes professeur d'archéologie grecque à l'Université Paris 1, professeur émérite, et on vous doit notamment un ouvrage publié aux presses du réel, Ruines, essais de perspectives comparées. On va avoir l'occasion tout au long de cette nuit des ruines de prendre la mesure de l'extraordinaire variété de ces ruines, de ce qu'elles signifient dans notre culture et du rapport parfois très intime que nous avons avec elles. D'abord en partant pour Mexico, dans une demi-heure, un petit peu plus, avec une nuit magnétique consacrée aux explorations de ruines de la capitale mexicaine. On entendra ensuite la voix d'un grand nom de l'archéologie, Bernard-Philippe Grolier, qui fut en charge de la restauration des temples d'Angkor. Puis un documentaire d'Anaïs Quien et Christine Robert autour du voyage en Grèce à travers les âges. Des ruines grecques aux peintures de ruines, le Louvre revisité, une émission de 2003 qui nous fera découvrir les tableaux d'Hubert Robert à travers le regard de plusieurs photographes. Puis un entretien avec la critique Diane Scott autour de son livre « Ruines, invention d'un objet critique ». Entretien qui sera suivi d'une émission consacrée à la musique des ruines, électrophonie par Bastien Gallet. Puis nous diffuserons un document assez exceptionnel, un entretien en français, s'il vous plaît, avec Jorge Luis Borges, dans lequel il sera notamment question de sa célébrissime nouvelle, Les Ruines Circulaires. C'était une émission de 1978. Cette nuit des ruines s'achèvera avec une deuxième émission musicale, Euphonia, autour des ruines romantiques, une émission de 1989. Avant de vous retrouver un petit peu avant 7h du matin, Alain Schnapp. Alors, ma première question sera très simple pour commencer cette nuit des ruines en votre compagnie. La ruine est partout aujourd'hui au cinéma, dans la photographie, dans la poésie évidemment, et depuis fort longtemps dans la littérature. Mais comment expliquer cette espèce d'attrait très moderne que nous avons aujourd'hui pour les ruines, Alain Schnapp? Est-ce que ce serait peut-être quelque chose à corréler avec un discours de notre époque qui serait celui de l'effondrement? Est-ce qu'il y a ce propos moderne, selon vous, dans notre attrait très moderne pour les ruines? Cela joue certainement un rôle, mais j'aurais tendance à insister plus sur les invariants que sur les variants des ruines, les variances des ruines. Parce que si vous regardez les Mésopotamiens, ou si vous regardez les Grecs ou les Romains, ils ont tous un instinct du temps qui passe, et ils expriment tous une désolation face à ce passage du temps. Donc pour moi, la ruine, elle est coextensive à l'espèce humaine. Alors on pourrait s'interroger, y a-t-il des ruines dans les sociétés paléolithiques? C'est un problème compliqué. Mais André Leroy-Gourhans avait signalé dans des grottes du paléolithique supérieur qu'il avait trouvé une espèce de petite collection d'objets intrusifs, de vestiges paléontologiques, de plantes. Et il s'était posé la question, ces objets ont été mis à part. Cette mise de côté, cette mise à part, ne les a-t-elle pas transformés en porteurs de signes, en sémiophores, au sens du concept élaboré par Christophe Omian, dont je pense qu'il est très utile pour parler des ruines. Et donc on aurait déjà ce soupçon d'un regard vers l'autre et vers le passé. Donc on pense forcément au mot vestige quand on dit ruine, c'est donc pas forcément un mot qui recouvre la totalité de la définition de la ruine. Comment définiriez-vous la ruine? Donc vous parlez d'une collection, c'est déjà un premier élément. Il y a une séparation avec le champ du commun. Voilà, pour que la ruine soit pleinement la ruine, il faut que le sens de son originalité, de sa singularité, lui soit accordé. On peut vivre dans les ruines et n'en rien savoir. Et si nous interrogeons le vocabulaire, comme vous le suggérez, nous avons dans les langues romanes deux mots, ruine, ruiné au pluriel, et la ruine, les ruines, ça vient d'un mot qui veut dire quelque chose qui est en train de se défaire, rouérer, quelque chose qui tombe. Mais à l'autre bout, et en tension avec la ruine, il y a le vestige. Et vestige, ça veut dire une empreinte, quelque chose qui s'est imprimé sur un support qu'il a conservé. Donc, la vestige est plutôt de l'ordre du signe. Et la ruine est plutôt de l'ordre massif de quelque chose qui est resté et qui, je dirais, est convexe, alors que la ruine est concave. Et ce chant, ce qui est un chant dans les pratiques européennes, dans la culture européenne, nous le retrouvons dans le monde sémitique, dans le monde arabo-musulman, dans le monde juif, et même dans le monde chinois, où l'opposition entre les vestiges et les ruines est très forte. Alors, c'est la question que je voulais vous poser, c'est la question de l'intentionnalité de la ruine. En vous lisant, Alain Schnapp, j'ai découvert que toutes les civilisations, y compris les plus lointaines, étaient donc obsédées pratiquement par la trace qu'elles laisseraient aux générations futures. Elles avaient déjà l'intention de produire un discours sur cette trace qu'elles laisseraient aux générations futures. Est-ce qu'il n'y a pas, depuis les plus hautes civilisations antiques, une intentionnalité de la ruine ? Si, pour que la ruine soit pleinement la ruine, dans toutes ses dimensions, il faut que une intention ait présidé à la construction. Et cela, encore une fois, peut relever du vocabulaire. Nous avons dans nos langues latines « monument » et en latin « monumentum ». Et « monumentum », ça vient de « monere ». Monere, c'est quelque chose qui vous avise, qui vous fait savoir, qui vous signale. Donc, le pharaon qui fait élever une pyramide, se fait construire un grand palais, le roi mésopotamien qui fait élever une ziggourate, qui crée un temple, ils veulent le faire savoir. Et se faire savoir fait partie de l'art de gouverner. Et donc, pour être pleinement roi dans des sociétés après le néolithique, même si on peut penser déjà que l'idée même des mégalithes a quelque chose à voir avec l'intentionnalité, puisqu'un mégalithe, pour le construire, il faut des générations, et que le travail de ces générations répétées joue le rôle d'une transmission orale, puisqu'il n'y a pas à ce moment-là d'écriture, qui dit aux hommes du futur que quelque chose a eu lieu là. Les fonctions des mégalithes sont complexes et diverses. Et on les trouve dans des sociétés très différentes, à des époques très différentes. Près de chez nous, il y a évidemment Karnak et il y a aussi Stonehenge, pour rester en Europe. Et ça a été tout un débat depuis le Moyen-Âge. Par exemple, on trouve des textes concernant Karnak dans des inventaires après décès d'un évêque qui possède des terrains à Vannes. Et on trouve, donc, les géomètres disent, quand on se promène dans la campagne, entre la pierre levée qui se trouve à l'orée d'un chemin et la pierre cassée qui se trouve au débouché d'un fleuve, il y a là toute une zone qui appartiendra à X. Et l'autre zone appartiendra à Y. Donc, les mégalithes sont utilisés comme des marqueurs. Ils ne sont pas reconnus comme tels. C'est ce que nous disions il y a un instant. La ruine n'existe que si on se forge une idée même. Donc la ruine peut être en quelque sorte une ressource dormante qui va se révéler quand sa fonction va être considérée par les villageois, par les habitants des villes, par les gouvernants comme utile et nécessaire. Alors, il y a une formule que j'aime beaucoup dans votre livre, Alain Schnapp, c'est qu'il s'agit, pour les ruines, de passer des pactes avec l'oubli, voire d'apprivoiser cet oubli. Cette volonté d'apprivoiser l'oubli, c'est quelque chose qui est universel, qui concerne toutes les cultures. Voilà, il me semble. Même celle, j'ai eu un débat avec un collègue anthropologue qui travaillait sur des sociétés dans lesquelles il y a une dénégation du passé. Des sociétés qui disent, on ne veut pas regarder en arrière, nous sommes arrivés là, nous sommes contents d'y être et nous n'avons ni l'intention de savoir pourquoi nous sommes arrivés là, et ça ne nous intéresse guère de savoir quel est notre devenir. Ce serait le point limite, le point de rupture de société qui nie l'utilité de la ruine. Mais dans les d'autres sociétés, même des sociétés de chasseurs-cueilleurs, comme les Arendas d'Australie, cruellement frappés par les temps qui courent, c'est une société qui n'a pas d'habitat permanent et qui apporte pourtant des objets qui passent d'une génération à l'autre. Lévi-Strauss les a étudiés, il appelait ça, d'après le mot indigène, les churingas. Ce sont des petits objets en pierre avec des symboles. Et chaque génération, chaque homme en reçoit un d'un ancêtre qu'il s'est choisi. Et ces gens qui n'ont pas, je dirais, d'environnement physique très élaboré, en fait, ils en ont un extrêmement subtil, mais que nous ne percevons pas, mais ils n'ont pas ce que nous appelons une maison, ils n'ont pas ce que nous appelons une église ou un lieu de rassemblement en tant que tel, mais ils cachent ces objets dans des endroits qu'ils connaissent très bien, dans des grottes, dans des caches, dans le paysage, et ils arpentent le paysage qui est lui-même devenu un objet souvenir. Et ça répond à votre question, qui recouvre celle que nous posions il y a un instant. Si tous les hommes, comme le dit Chateaubriand, ont un secret attrait pour les ruines, on en parlera ensuite, cette catégorie générale de l'esprit humain est liée au fait que il y a eu des hommes avant nous, il y aura des hommes après nous. Et à un certain moment, dans des conditions qui peuvent varier, la question va se poser. Et c'est cette question-là qui fait naître la ruine, le sens d'un certain passé. Alors que se passe-t-il à l'Inchnapp quand cette transmission est interrompue? Je veux dire, pour préciser ma question, lorsque le sens des vestiges ou des ruines apparaît absolument indéchiffrable pour ceux qui viennent après, vous citez dans votre ouvrage un homme de lettres du courant surréaliste, Benjamin Perret, qui parle de ruines, le moment où la transmission s'interrompt et les ruines nous sont indéchiffrables. Voilà donc la réflexion sur les ruines et sur la perte de sens ou l'absence de sens d'un certain nombre de monuments ou de vestiges dans le paysage est très ancienne. J'en parlais tout à l'heure à propos des mégalithes de Bretagne, mais Stonehenge, bien sûr, a posé d'énormes questions. Au Moyen-Âge, Stonehenge était considéré comme le produit de l'activité magique de l'enchanteur Merlin. Et les certaines allées levées étaient considérées aussi comme des objets entre la magie et le surnaturel. Cette question se pose de façon presque itérative. Et quand les hommes se regardent, eh bien, ils ont tendance à observer leur environnement et à extraire de leur environnement des signes porteur de ce sens du passé. Alors, je n'ai pas entièrement répondu à votre question. Non, mais cette formule de Benjamin Perret résonnait familièrement en vous lisant Alain Schnapp, puisqu'elle me faisait penser à tous les ce qu'on pourrait appeler un peu des délires mystiques autour de ce qu'on voit aujourd'hui sur l'interprétation ésotérique des pyramides. Quand on ne comprend pas, on décrète que c'est Alien qui a fabriqué des pyramides, que ce soit en Égypte, que ce soit au Mexique, que ce soit dans un certain nombre de grands cadres où des civilisations laissent des traces qui nous parviennent mais qu'on ne comprend pas. Et ces ruines des ruines, eh bien, permettre un peu de répondre, enfin ces récits sur les ruines des ruines de Benjamin Perret permettent de répondre assez facilement à toutes ces questions. Est-ce que ça aussi c'est pas un discours caractéristique de notre époque? Je ne crois pas, non. Je pense que l'intuition poétique et philosophique de Perret, justement, vient compléter ce que les sociologues des ruines en disaient. Le plus grand sociologue des ruines du XXe siècle est un sociologue allemand qui a écrit un très petit texte, mais magnifique, sur la fonction des ruines et la sociologie des ruines. C'est Georg Simmel. Et ce texte est paru en 1907. Le texte de Benjamin Perret, auquel vous faites référence, lui est paru en 1939. Avant l'exil de Perret au Mexique, ou curieusement, enfin, ou pas curieusement, si on prend en compte justement ruines de ruines, il va se passionner pour la civilisation maya et traduire d'ailleurs de l'espagnol le grand livre d'histoire, enfin de mythologie des Mayas. Donc, la ruine est faite de continuité et de discontinuité. Si vous envisagez de marquer votre temps, vous allez construire le bâtiment le plus gigantesque. Ça va être la tour de Babel, qui est aussi une métaphore de la ruine partiellement, puisque ça va être les pyramides. Mais ça va être aussi des petites capsules, ce sont des briques, chez les Mésopotamiens, ce sont des tuiles, que vous allez inscrire. Et sur ces briques, vous allez dire « Je suis un tel, le roi, fils du roi précédent, héritier des rois du passé, qui ont eux-mêmes construit des temples et élevé des ziggourats. Et moi, le roi, par exemple le dernier roi de Babylone, Namenide, le restaurateur des temples, je vais fouiller l'emplacement des temples anciens, Alors le Dieu me révélera des temples que n'auront pas aperçus mes prédécesseurs, et je le rebâtirai pour montrer ma piété et mon dévouement au bien commun. Donc ce formulaire mésopotamien est extraordinaire parce qu'il fait de l'infiniment petit, la brique, un outil de résistance contre le passage du temps. Alors, on va en reparler dans un tout petit instant de justement cette signature mésopotamienne des ruines quant au rôle politique de ces ruines, Alain Schnapp. Mais je voulais vous entendre tout d'abord sur le commencement absolu des ruines. Selon un texte de 1791, les ruines ou méditations sur les révolutions des empires, un texte signé Volney, qui est un grand classique de la littérature, et qui pose comme commencement absolu l'Égypte. Et pourquoi ? Et là-dessus, on pourrait s'interroger sur ce qui signe la particularité de ces ruines. Qu'est-ce qui fait, au fond, que les traces parviennent aux générations futures ? Est-ce qu'il s'agit de vestiges en pierre ? Est-ce qu'il s'agit de textes ? Est-ce que l'Égypte, précisément, c'est pas le moment où ce qui parvient aux générations futures, c'est à la fois des textes, des scribes, et en même temps des vestiges en pierre ? Voilà, pendant des millénaires, les pyramides ont été quand même des objets d'interrogation. À partir du moment où on perd la capacité de déchiffrer les hiéroglyphes que l'humanité ne retrouvera qu'avec Champollion bien plus tard, au début du 20e siècle, du 19e siècle, il y a là cette obscurité symbolique. Elle obsède l'Occident, mais pas seulement l'Occident, parce que c'est un problème itératif qu'on trouve dans les traditions arabes médiévales ou dans la civilisation persane, qui fait face non pas aux pyramides, mais aux constructions des rois achéménides, qui sont extraordinaires. Donc, il y a une quotidienneté de la ruine qui fait que chaque groupe de population à élaborer sa propre relation au passé. Ça peut être une relation, je dirais, de respect, ça peut être aussi une relation qui démantèle l'objet, mais pour en faire autre chose, qui le métabolise en quelque sorte. Parce que les ruines, à partir du moment où le dialogue s'installe avec elles, elles deviennent des ruines vivantes. Et c'est ce que disait Benjamin Perret. Et d'une certaine façon, je vous remercie d'avoir mis en exergue ce texte un peu oublié maintenant, il reprend une idée qui avait été celle de Diderot et qui avait été celle de Volney, lecteur et philosophe des Lumières, qui reprenait l'héritage de Diderot, de Rousseau et de Voltaire. Et dans son grand livre, il a eu un succès énorme en Europe à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, Volney dit deux choses. Il dit d'abord, nous, hommes d'Occident, nous avons à respecter les gens de l'Orient qui, dans des conditions très difficiles, avec des technologies qui n'étaient pas les nôtres, ont su construire des bâtiments imparables. Certes, dit-il, une partie de ces bâtiments ont été construits sur l'exploitation du travail servile, sur la violence à l'aide d'une représentation du religieux qui les opprimait. Et là, s'ouvre une critique des religions orientales, de l'islam en premier lieu, vu la place de l'islam dans le dialogue des cultures monothéistes en Occident, mais aussi une critique, je dirais, du poids de ce qu'on appelait le despotisme oriental. Mais l'ironie de Volney, qu'on va retrouver chez Borges aussi, est de dire « Oui, mais regardez, ces gens qui vous paraissent tellement peu sensibles à la beauté des monuments, ils les ont en fait mieux gardés que nous, qu'en Occident, que les ruines romaines sont souvent plus abîmées que les ruines égyptiennes, voire que certaines ruines de Mésopotamie. » Et Volney continue et élabore là une théorie qui va dominer le XXe siècle, qui va être celui de la politique des ruines. Il y avait avant lui une poétique des ruines, c'est-à-dire que le contact, le dialogue que l'homme, la femme, la population entretient avec les ruines est lié à l'observation, la résignation dans certains cas, et parfois aussi, et ça va être le versant romantique, l'enchantement. Et Volney dit, il y a une autre dimension de la ruine. Diderot l'avait déjà évoquée et il s'en fait l'interprète. Il dit, la ruine, elle est là pour dire aux hommes, attention, vous ne durerez pas éternellement. L'empereur le plus puissant, l'homme le plus riche, il aura un terme, et ce terme, c'est la durée de la vie humaine. Alors s'il veut marquer le temps, qu'il respecte ses semblables. Et c'est là que Volney commence à reprendre sa critique en disant « Nous nous en prenons aux Arabes qui occupent l'Égypte ancienne, qui occupent la Mésopotamie. Mais nous, que faisons-nous dans les Indes? Que faisons-nous en Asie? Qu'avons-nous fait en Amérique? La violence, le manque de respect des autres, la négation de la culture et de l'histoire des autres. » Et donc, il en arrive à sa conclusion en disant « Les ruines sont là pour venger les peuples, les gouvernements, les puissants, les empereurs, qui ne respectent pas leur peuple, laisseront ces traces, et de ces traces, le futur fera le bon usage pour discriminer, je dirais, les bons des mauvais, les princes vertueux de ceux qui étaient des accapareurs. » Alors, pour distinguer un peu le rapport qu'avaient aux ruines les grandes civilisations de l'Antiquité, je le disais il y a quelques minutes, qu'est-ce qui fait que, pour les Égyptiens, la trace écrite était peut-être aussi importante que les vestiges concrets, donc en l'occurrence des pyramides et un certain nombre de vestiges très connus? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans les civilisations grecques, comme vous l'écrivez, Alain Schnapp, ce symbolisme des vieilles pierres était paradoxalement beaucoup plus absent, alors que ce qui nous reste aujourd'hui des Grecs, évidemment, c'est la philosophie, mais c'est aussi ces vieilles pierres. Oui, alors les Grecs ont une histoire, la façon dont ils regardent l'histoire est beaucoup plus courte que celle des Égyptiens ou des Mésopotamiens. Parce qu'ils ne sont pas capables de déchiffrer les écritures linéaires de la Grèce proto-historique, du monde minoen-mycénien, et parce que, même si l'écriture alphabétique est une des grandes conquêtes de l'esprit humain, elle n'apparaît qu'au tout début du 8e siècle. Donc quand les Grecs regardent en arrière, ils disent « Adelon, c'est embrouillé, c'est le brouillard ». Mais le brouillard compte quand même. Et c'est les mythes qui emportent l'assurance. Et puis ensuite, il y a la période de la naissance des cités, et puis il y a l'histoire contemporaine qui peut se baser sur l'observation, sur l'interprétation. Donc, pour les Grecs, le monument est ce qu'ils appellent... Le monument funéraire, on peut l'appeler séma, vous voyez, de sémantique. Quelque chose qui signifie, on retrouve monere, monumentum. Mais le monument peut être aussi mnema, ce qui a à faire avec le souvenir. Souvenir de soi, souvenir des autres, souvenir des choses. Et donc, les Grecs, parce qu'ils élaborent une théorie de l'histoire beaucoup plus sophistiquée, moins précise, moins riche que celle des Mésopotamiens ou des Égyptiens, parce qu'ils n'ont tout simplement pas cet objet. Un Mésopotamien du 7e siècle pouvait lire des inscriptions de la fin du 3e millénaire. De même, un scribe pouvait lire, ou un chinois ou égyptien pouvait lire des inscriptions qui remontaient à 2 ou 3 millénaires. Ce n'est pas à la portée des Grecs. Alors ils élaborent quelque chose d'autre, qui est, je dirais, pour la première fois, l'idée du comparatisme. Il y a un texte de Pausanias, donc le fameux géographe, qui décrit à l'époque romaine les richesses de la monumentale et archéologique de la Grèce, qui dit « C'est un peu étrange, nous les Grecs, nous sommes fascinés par les pyramides, nous sommes fascinés par les jardins de Babylone, mais les traces, pourtant très intéressantes de notre proto-histoire, nous ne les prenons guère en compte. » Parce que les Grecs regardent, se comparent aux Mésopotamiens, se comparent aux Phéniciens, se comparent aux Égyptiens. Et donc, ça leur donne, quelque part, un petit sens de la modestie. Les cités veillent à éviter les grands rois. À la fin des fins, il faudra bien qu'ils se soumettent, après 4 siècles d'histoire grecque, à la domination des Macédoniens. Mais en gros, les Grecs regardent à leur communauté et cherchent à discipliner le temps. Et pour ce faire, c'est une idée déjà présente dans le monde égyptien, que le scribe, finalement, est plus puissant que l'architecte. Et que on a beau construire la plus belle des chapelles funéraires, la plus grande des pyramides, un jour elle s'écroulera. Alors que s'il y a des hommes qui subsistent, s'ils ont le respect du passé, ils liront les inscriptions de ceux qui les ont précédés. Et ça, c'est ce que mon collègue Jesper Svenbro, qui est un poète suédois et en même temps un spécialiste de la poésie grecque ancienne, qui a travaillé longtemps avec Jean-Pierre Vernant, Svenbro a écrit un livre qui s'appelle « La parole et le marbre », qui est un livre décisif parce qu'il montre la compétition des savoirs. L'architecte dit « Je vais faire pour toi le plus beau des palais ». Le sculpteur dit « Je vais faire pour toi la plus belle des statues ». Et le poète répond « Mais moi, je vais écrire un poème. Et mon poème, avec ses mots bien ouvrés, avec ses phrases bien équarries, il sera plus solide que le plus solide de vos monuments. » Alors le scribe est plus important que l'architecte, selon vous, Alain Schnapp. Je ne me prononcerai pas. Je dirais simplement que cette tension entre le scribe et l'architecte, C'est tout à fait inspirant. Et alors, je voudrais vous entendre sur le rôle proprement politique des ruines dont vous parliez il y a quelques minutes, puisque vous évoquez les néo-babyloniens. Avec donc cette caractéristique qui serait propre à cette civilisation, que dans chaque palais, il y a une signature. Dites-moi, reprenez-moi peut-être si je la prononce mal, le Temenu. Temenos, qui authentifie. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans cette approche des ruines selon les néo-babyloniens, Alain Schnapp, c'est la période dans laquelle cette pratique apparaît. C'est une période dans laquelle le pouvoir se sait fragile et a besoin de trouver dans un passé, dans l'authenticité d'un passé, une authentification de sa légitimité politique. Est-ce que c'est pas là quelque chose qui touche à l'une des fonctions les plus primordiales des ruines, inscrire dans le temps très long une légitimité politique ? Absolument. Je précise, tout à l'heure, je n'avais pas bien entendu votre question. Temenos, c'est le mot grec qui signifie le sanctuaire. Temenou, c'est un mot assyrien qui signifie l'inscription commémorative. Et on a besoin de ces narous. Il y a tout un vocabulaire très sophistiqué que mes collègues assyriologues ont très bien étudié, qui montre, je dirais, une déclinaison de l'art du souvenir. Mais il y a d'abord une chose ironique, encore une fois, qui revient à l'opposition entre le poète et l'architecte, c'est que la petite brique inscrite, même de rien du tout, si elle est conservée dans le sol, elle restera lisible bien après que le palais ou la tombe aura été érigé, parce que surtout en briques crues, les monuments ont une longévité qui ne dépasse pas 40 ou 50 ans. Donc il y a déjà ce sens ironique très fort chez les Mésopotamiens de l'opposition entre la mémoire écrite orale, parce qu'il y a une dialectique du rapport ce qui est écrit mais des hommes qui le transmettent, et puis la mémoire inscrite dans la brique, ou inscrit dans le sol à travers les dispositifs, les chaînages de briques que précisément les ouvriers du pharaon, pour ce qui concerne l'Égypte et la pierre, et c'est l'opposition entre la pierre égyptienne et la brique mésopotamienne, que tous ces ouvriers vont s'acharner à découvrir pour permettre au roi d'exciper de sa longévité. Alors, je nuancerai ce que vous avez dit. On sent, qu'on voit chez Nabonide ou chez Nabucodonosor, cette inquiétude qui est celle des crises et quelque part du sentiment de la fragilité de l'Empire. Mais déjà, les rois sumériens utilisaient des rituels du même genre. Donc, pour eux, le passé est devant nous et le futur est derrière nous. C'est-à-dire que si un roi veut exercer son pouvoir, il doit montrer qu'il a l'investiture des rois du passé. Et si un scribe veut montrer son savoir, il doit être capable de déchiffrer et de collecter des inscriptions du passé. Et une fois qu'il a fait ça, il se retourne et il peut regarder le futur qui est derrière lui. Alors, j'ai longtemps pensé que c'est Elena Cassin, une grande assyriologue, qui avait insister sur ce concept, et ça m'avait beaucoup frappé quand je suivais ses exposés, il y a plus de 30 ans. Et en présentant un exposé à Bogota, en Colombie, devant un groupe de jeunes archéologues et de représentants des civilisations amérindiennes, il y a un des chamans qui m'a fait remarquer que dans sa langue, à lui, la même opposition existait. Donc entre des populations qui vivent, je dirais, dans la forêt, qui ont des rituels qui relèvent plutôt de l'analyse anthropologique, et les plus sophistiqués des souverains de Mésopotamie et leurs scribes, il y a une espèce de continuité qui valide, à mon avis, ce que Benjamin Perret et Borges disent des ruines. Alors, quittons un tout petit peu l'Amazonie et l'Amérique du Sud pour nous reconcentrer sur l'Antiquité avec vous, Alain Schnapp, dans cette nuit des ruines en votre compagnie. Puisqu'on parle de rôle politique des ruines, est-ce que Rome n'est pas peut-être le maître étalon d'une civilisation qui a fait à la fois de la poésie et du verbe une ruine et qui a magnifié ce rôle politique des ruines pour ancrer sa légitimité? Oui, absolument. C'est-à-dire, les Romains reprennent des formes de communication avec le futur, et donc par définition avec le passé, qui ont été élaborées, je dirais, par les historiens grecs. Mais les historiens de Rome, les plus grands d'entre eux, les Grecs avaient Thucydide, les Romains ont eu Tacite et quelques autres qui sont des esprits extraordinaires. Et cela regarde les monumenta avec la même acuité que les Grecs, sauf simplement on change d'échelle. Parce que les Grecs déniaient l'impérium, enfin, au moins jusqu'à la... Enfin, la Grèce n'est plus tout à fait la Grèce quand elle devient justement une monarchie. Une monarchie, il y a des cités gérées par des monarques, mais une monarchie territoriale au sens des Macédoniens. Donc les Romains, et surtout les contemporains d'Auguste, qui a conscience de créer un nouvel ordre quasiment millénaire, ils savent que la mémoire est une chose fragile et qu'il faut l'appuyer sur des monuments. Et ces monuments, les Romains les revêtent d'inscriptions, d'inscriptions de fondation, d'inscriptions de refondation. Et donc, petit à petit, ils prennent conscience, je dirais, du poids des monuments sur le présent. Et d'ailleurs, en grec, quand on voulait parler de la conservation des monuments, on employait un terme « therapeia », thérapie. Et il y a une législation, donc en Grèce, nous avons du mal à saisir l'arsenal des techniques ou des comportements qui protègent les monuments. Mais dans la Rome du 1er siècle, du 2e et jusqu'à la Rome de Constantin, des édits sont pris pour dire on ne détruit pas les monuments anciens. Ou si on les détruit, on doit les refaire et parfois même les refaire à l'identique. Donc, il y a autour de l'empereur, et Auguste le premier, cette idée que l'empereur, comme en Mésopotamie ou en Égypte, il est le garant de la beauté et de l'ordre de la cité. Et de ce fait, il doit prendre des règlements, les faire appliquer et restaurer les monuments, Cassiodore le dira bien plus tard, hein, sans faire injure au passé. Donc il y a une logique de la restauration continuiste, dirions-nous. C'est le contraire de Benjamin Perret qui dit chaque génération, chez les Romains. Et on a le sentiment que dans cette logique poursuivie par les Romains, ce qui compte c'est plus le sens accolé à la ruine que la ruine elle-même. J'ai découvert en vous lisant, Alain Schnapp, qu'il y avait eu à Rome une cabane de Romulus, qui était là évidemment un titre de symbole de la continuité du pouvoir, et qu'il était très important d'honorer. Alors là aussi, on le retrouve dans le monde grec, et on le verra dans le monde oriental, si on a l'occasion d'en parler, surtout au Japon. Il y a un rapport de tension, je disais qu'il y a une tension entre le vestige et la ruine, mais il y a un rapport, je dirais, entre la ruine magnifiée et la ruine pauvre. J'entends la ruine magnifiée, on utilise des blocs de pierre, on utilise du marbre, on collecte des revêtements très précieux pour orner les monuments. Puis, il y a la ruine qui se veut en quelque sorte documentaire. La cabane de Romulus sur le Palatin était, nous dit Denis d'Halicarnasse, ainsi faite qu'elle était, comme on le faisait à l'époque, en bois et en couverture de feuilles, de branches. Et donc, elle était très fragile. Et nous dit l'auteur ancien, cette cabane, il était défendu de la restaurer, sauf à remplacer la paille qui la couvrait par de la paille fraîche, ou le bois qui était fendu par du bois frais. Mais en quelque sorte, on la gardait comme un signe. Et c'est assez extraordinaire parce que ça correspond à une histoire chrétienne, enfin judéo-chrétienne, qui nous vient d'un des pères de l'Église et de ses commentateurs, qui nous dit que dans la basilique de l'Assomption, il y a, à Jérusalem, il y a la trace du pied du Christ. Et que cette trace, on a essayé de la monumentaliser. Et quand on mettait un peu de marbre, un peu de ciment autour de cette trace, la terre se rebellait et cela signifiait que le Christ se satisfaisait de cette trace très humble. Donc que le signe l'emportait sur la matière. Alors, toujours avec vous, Alain Schnapp, pour parler de ce rôle politique des ruines, ce sera ma dernière question. On n'aura pas le temps, malheureusement, d'aller jusqu'en Orient, mais on aura l'occasion, sans doute, d'en reparler avec vous pour d'autres émissions. Une question que je me posais, c'est la question de la reconstruction des ruines. Vous évoquez dans votre ouvrage le serment de Platée. Athènes a été saccagée par une occupation des Perses et les Grecs font le serment de ne pas reconstruire les temples saccagés puisqu'il s'agit de marquer l'outrage précisément qui doit rester un moment sacré, séparé. Est-ce que dans la reconstruction des ruines ou l'interdiction de la reconstruction des ruines, il n'y a pas quelque chose de proprement politique aujourd'hui, y compris, qui se pose ? Oui, absolument. C'est-à-dire que le serment de Platée, je le trouve extraordinaire parce qu'il énonce ceci. La violence qui nous a été faite, celle que les Perses ont opérée sur les Grecs, est telle qu'il faut témoigner, je dirais, de leur inhumanité. La meilleure manière d'en témoigner, c'est de laisser les sanctuaires sans les reconstruire. Mais rappelez-vous, Radour-sur-Glane, qu'est-ce qu'a décidé ont décidé les gens de Radour-sur-Glane, après les assassinats de cette division SS, de garder les choses en l'état. Et c'est un problème qui se pose après chaque catastrophe naturelle et surtout catastrophe historique. Qu'est-ce qu'on garde des camps de concentration? Qu'est-ce qu'on peut garder des immeubles qui ont été abattus à ground zéro, etc. Donc, ce qui me fascine, c'est que les Grecs nous disent ça il y a presque 3000 ans. Et que ça justifie. Et on peut faire une lecture contemporaine de ce message, y compris pour Palmyre, par exemple. Absolument. Pourquoi les gens de l'État islamique détruisent Palmyre ? Parce qu'ils pensent que cette destruction, elle offense l'Occident, que ce sont les Occidentaux qui ont fouillé, ce qui est la vérité. On oublie toujours que la ville de Palmyre était habitée par des Syriens, et on a un peu comme on l'a fait sur l'Acropole, les pendants de l'Acropole d'Athènes ou à l'Agora d'Athènes, on a expulsé les gens. Pour nous, les archéologues, parfois, nous ne nous rendons pas compte des conséquences que notre curiosité opère sur les personnes qui vivent sur les lieux. Donc, il y a une volonté de revanche, là, mais elle est contradictoire avec la leçon de l'islam classique, parce que les grands théoriciens, les grands historiens, Ibn Khaldoun et quelques autres et ses prédécesseurs, dans le Caire du XIIIe siècle, ils expliquent, il y a à nouveau des tentatives, je dirais, depuis l'arrivée de l'islam en Égypte, de détruire les monuments égyptiens. Et ces historiens et juristes de l'Égypte de guerre au XIIIe siècle disent « Mais c'est absurde, les pyramides sont une création de l'esprit humain, et au lieu de les détruire, les souverains feraient mieux de les conserver et même d'y mener les enfants des écoles. » Donc j'ai un texte en arabe du XIIIe siècle, il dit, il faut emmener les enfants regarder les pyramides pour qu'ils comprennent la grandeur du passé. Donc, la partie universaliste de l'islam, celle des traductions avec le grand atelier de Bagdad, celle de l'irradiation culturelle et de la redécouverte des sagesses indiennes, chinoises, qui avaient un peu percolé dans le monde grec mais qui étaient oubliées, ça a été un grand moment de la culture islamique. Eh bien, merci beaucoup, Alain Schnapp. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1 et vous avez publié Ruines, essais de perspectives comparées. La nuit des ruines commence sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. Et Alain Schnapp, nous vous retrouverons tout à l'heure, juste avant 7h du matin.